Si je vous ai réunis dans la grande salle, c'est pour un dernier adieu à la Terre. Tu vas mourir ? C'est ton cœur, papa. Il y a eu des complications ? Je n'ai jamais eu de problème de cœur. Mes enfants, tout a été accompli sur cette planète. Nous avons obtenu l'amour, la gloire et la beauté. De quoi il parle ? Je comprends rien. Oui, je suis d'accord pour la gloire. Mais pour le reste, on n'est pas champion, hein. Le nom des Cardos est connu sur la planète entière. Oui ? Je veux maintenant qu'il soit connu dans l'univers entier. Tu perds la tête, papa. Tu as bu trop de notre eau de bouzac. Ah non, je ne perds pas la tête. Et si je peux vous regarder en face, c'est qu'elle est bien sur mes épaules. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Envoyer un satellite ? Lancer une fusée ? Marcher sur la lune ? Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, hein. Je veux ériger une statue de moi là où aucun homme n'a encore posé les pieds. Ce sera la planète Cardo. Et on y va avec la limousine. J'ai hypothéqué la maison, vidé mes comptes et vendu notre cheval Couscous. J'ai tout investi dans une navette spatiale, le Falcon Millennium. Ah ! Et elle nous mènera jusqu'à la gloire intersidérale. C'est dans ta tête qu'il y a un vide intersidéral. Ne parle pas comme ça à ton père, petit effronté. Nous allons faire un superbe voyage, comme des vacances. J'ai déjà réservé l'hôtel. Comment ça, nous ? Vous venez avec moi, la famille doit rester unie. Comme c'est drôle. Je vais laisser mes maîtresses, mon abonnement au Squatch et ma Ferrari pour monter dans un vieux tas de boue qui date sûrement de l'ère Gorbatchev. Vous n'avez pas le choix. J'ai mis des somnifères dans vos verres. Tu n'as pas fait ça ? Je ne veux pas partir. Il me reste encore des tickets pour le manège. Trahir sa propre chair, c'est une honte. Bonne nuit, les enfants. Paul, réveille-toi. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure de mes dessins animés ? Mais non, rappelle-toi, nous sommes partis dans l'espace. Et il y a eu quelques complications. Des complications ? Être dans l'espace est une complication. Je déteste les complications. Ah, Marc ! Mais que lui est-il arrivé ? Il n'a jamais été très beau, mais là, il est... bizarre. J'aimerais une explication, papa. Quand vous vous êtes endormi, je vous ai traîné jusqu'au vaisseau, le Falcon Millennium. Je l'ai programmé pour nous emmener vers une planète inconnue où nous installer et imposer notre nom. Je vous ai installé dans un caisson refrigéré où nous avons parcouru plusieurs milliards de kilomètres. Mais au moment d'atterrir, il y a eu un problème. La planète était habitée. Habitée, mais par qui ? Des Inuits, des Russes, des Chinois ? Des sortes de robots. Des robots ? Tu veux dire comme des mixers ? Ouais, sauf qu'ils ont l'air bien plus intelligents. Ton frère s'est réveillé le premier et ils l'ont tout de suite attrapé. Ils ont voulu faire des expériences sur lui, comme le transformer en robot. Ah mais ses yeux ! Ses yeux s'allument ! Oui, il semblerait que l'absence de ses organes ait facilité l'implantation de technologies cybernétiques. Mais s'ils ont fait des expériences sur lui, ça veut dire qu'ils pourraient aussi en faire sur moi ! Oui, ou sur moi ! Mon Dieu ! Mon beau visage, ma peau de soie et ce regard ténébreux, mais que vont-ils devenir ? Je vis en enfer ! Bonjour, étranger. Je me nomme Moulinec. Ils parlent notre langue, c'est incroyable. Nous avons scanné vos outils de diffusion pour étudier vos codes de communication. Et nous les avons intégrés à nos propres systèmes. J'avoue que je ne comprends pas tout ce qu'ils cherchent à nous dire. Les mots sont de notre langue, mais la phrase n'est pas logique. Nous vous avons étudié. Et votre technologie est très basique. Vous ressemblez à nos ancêtres de l'âge du boulon. Ils nous insultent ! Calme-toi, Paul. N'oublie pas que nous sommes dans l'infériorité numérique. On n'est pas au Vietnam, ici. Nous avons besoin d'un nouveau cobaye. Votre camarade était très rudimentaire, et nous avons dû l'améliorer. J'étais très bien comme j'étais avant. Tu es réveillé, Marc ? Je ne dormais pas. Je rechargeais mes batteries. Vous avez bien fait de l'améliorer. Il lui manquait quelques cases. Votre génération de robots possède une défaillance au niveau de l'intelligence artificielle. Vous êtes toujours en rébellion. Ah, ne commencez pas à m'énerver, hein. J'ai fait le Vietnam et l'Irak, moi, monsieur. Robot. Nous allons continuer à vous étudier. Vous, le plus jeune prototype, suivez-nous. Mais il est hors de question qu'on m'étudie. J'ai toujours été nul à l'école, alors vous ne m'apprendrez pas grand-chose. Spontex, Solex, attrapez-le et emmenez-le à l'atelier. Laisse-toi faire, Paul. Tu verras, on pourra comparer nos options après. Dis-moi, Marc, qu'est-ce que tu ressens depuis que tu es un robot ? À vrai dire, pas grand-chose. Je n'ai pas de réelles sensations physiques. Je ne suis jamais fatiguée. Il faut juste que je recharge les batteries de temps en temps. C'est peut-être ça l'éternité. Il faut que je devienne un robot. Après, nous pourrons revenir sur Terre et dominer le monde. Tout simplement. Oh, ça y est, Papa Poli te reprend. Tu deviens fou, papa. Je ne suis plus ton père. Tu n'es qu'un robot et les robots ne connaissent rien à la famille. Tu crois que je n'ai plus de sentiments, c'est ça? Ça me plaît énormément. Regarde, je pleure de l'huile. Spontex, passez-moi la suceuse. Je vais étudier la partie interne de ce cyborg. Voilà, Moulinex. Suceuse parée. Solex, allez me chercher le robot du Rex. Ce prototype a l'air plus complexe que le précédent. Il a des parties en plus. Très bien, j'y roule. Spontex, faites passer le scanner sur ces parties inconnues. Que se passe-t-il, Moulinex? Vous m'avez fait demander? Bonjour, Durex. Regardez ce cyborg, il est étrange. Effectivement, il y a plus de technologie que sur le précédent, mais elles ont l'air aussi plus rudimentaires que les autres. Que fait-on de lui, alors? Retirez tout et installez une autre technologie. Il sera beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Calme-toi, Marc. Je me fais transformer en robot, on vole un vaisseau spatial et on rentre chez nous. On rentre chez nous? Mais on sera des robots pour toute la vie. Pour la vie éternelle, Marc. Mais on va être rejetés par les autres. Tu as toujours été rejeté de toute façon. Nous serons les maîtres du monde. Ça y est, Paul, tu es un robot. Comment tu te sens? Je ne sais pas. En fait, je ne sens rien. T'inquiète pas, je vais t'apprendre à te servir de toutes tes technologies. C'est à moi maintenant, Moulinex. Moi aussi, je veux devenir un robot. Mais que lui arrive-t-il? Je crois qu'il n'a pas supporté le voyage en espace. Emmenez-le, nous allons l'étudier. Je ne comprends pas très bien pourquoi il veut à tout prix devenir un robot. Il veut envahir le monde. Mais il n'y a que des robots ici et nous ne sommes que trois. Il veut retourner sur Terre en volant un vaisseau et envahir le monde des humains. Ça y est, les enfants! Je suis un robot! Maintenant, je suis immortel et invincible! Éternellement invincible! Tiens, je peux encore rire! Je t'ai déjà dit qu'on pouvait encore avoir des sentiments! On s'en fiche! Bon, il faut sortir d'ici et voler un vaisseau. Paul, occupe-toi de la porte! Ok, papa! Il faut trouver la salle des vaisseaux. Elle est là! Hé, hey, hey, où allez-vous? Nos cobayes s'enfuient, attrapez-les. Alerte rouge, alerte rouge. Allez-y, démarrez le vaisseau, je vais les retenir. Tiens bon, Marc, on va faire vite. Arrêtez, on n'a pas fini de vous étudier. Allez, viens te battre, c'est un robot. Je ne peux pas, Vortex. Je suis ton père. Viens, prends ça. Papa, il n'y a pas de bouton, juste un trou. Comment on fait pour démarrer ce vaisseau? Sers-toi de ta force, Paul! Marc, dépêche-toi, on a trouvé un vaisseau! Peut-être que si j'enfonce mon doigt dans le trou... Ah mais oui, c'est génial, je peux contrôler tout le vaisseau! Allez, c'est parti les enfants! Attachez vos ceintures et bienvenue à bord du vaisseau Love Princess qui vous emmène en croisière jusqu'à la Terre! Je vais enfin retrouver ma Ferrari et mes clubs de golf! Et moi, je vais retrouver Valérie! Oh non! Et moi, je vais dominer le monde! Le monde!